La cérémonie d'ouverture de la 19e foire internationale printanière de Pyongyang a eu lieu le 23 à l'exposition des Trois Révolutions. Y ont pris part le vice-premier ministre Lord Chul, les officiels intéressés, les hommes de l'économie et du commerce extérieur, les délégations de divers pays et régions, les représentants diplomatiques et autres diplomates de divers pays en Corée. Au terme de la cérémonie d'ouverture, les participants ont parcouru les marchandises des compagnies coréennes, néo-zélandaises, allemandes, russes, roumaines, malaisiennes, mongoles, singapouriennes, chinoises, cambodgiennes, thaïlandaises, australiennes, iraniennes, italiennes, indonésiennes, vietnamiennes, cubaines et de Taipei de Chine. Le salon continue jusqu'au 26 courant.